Alors, pour parler de l'immigration, il y a... Bonjour. Et bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Ben, bonsoir et bonsoir. Bienvenue à Comme un ouragan, émission en direct tous les troisièmes dimanches du mois à 19h04 sur Radio Dio 89.5. Comme un ouragan, c'est une émission faite par des meufs, des gouines et des trans, émission en construction, émission où on se retrouve sur des bases féministes, où on a envie de parler de lutte, de rencontrer et causer avec des camarades, ce qu'on va faire ce soir, de faire des blagues, de raconter des histoires, de passer de la bonne musique et voir où ça nous emmène. C'est la quatrième aujourd'hui et ce soir on vous propose un temps autour de l'histoire des immigrations à Saint-Étienne et de discuter des luttes décoloniales, antiracistes et contre l'islamophobie. Et voilà, pour ça on écoutera un montage de Leila Ben Sharif qui nous raconte une partie de l'histoire des immigrations sur Saint-Étienne. Leila est historienne et on l'a vu faire cette conférence en décembre dernier suite à une invitation du collectif Stéphanoise contre l'islamophobie. On a trouvé ça passionnant parce qu'elle visibilise toute une partie de l'histoire que la France met sous le tapis, que ça remet les pendules à l'heure sur la réalité de la colonisation française, la domination et l'exploitation des immigrés, les contrôles exercé et comment ça a permis que des villes comme Saint-Étienne s'enrichissent sur le dos des colonisés. C'est aussi passionnant parce que cela crée une histoire de continuité dans les luttes antiracistes parce qu'elle vient bien expliquer le racisme et l'islamophobie actuelle à une histoire qui l'a servi et sert les intérêts de l'État français comme moyen de légitimer l'exploitation de toute une partie de la population. Et pour causer un peu plus de parcours de lutte et de l'actualité sur Saint-Étienne, on a invité deux camarades avec qui on va échanger en direct pendant une petite heure après l'écoute du montage de Leila. On est donc super content de recevoir Malika et Monira et qu'on prendra le temps de que vous vous présentiez tout à l'heure. Et voilà donc en première partie le montage. Pour précision, le montage est réalisé à partir d'un enregistrement où Leila est venue causer devant des femmes immigrées dans le local de Globe 42, asso communautaire qui fait du taf autour de l'accès aux droits et à la santé pour les personnes immigrées. La discute faite à la base 1h30 et on a pas mal coupé dedans, notamment les échanges entre elles. Des fois, les idées, alors on enchaîne vite parce qu'on est ramené à 30 minutes au total le montage. Mais on a tout le temps derrière du direct pour revenir sur les idées principales. Alors, bonne première partie d'écoute. C'est parti. Et à tout à l'heure, après l'écoute du montage. Alors, pour parler de l'immigration, il y a des tas de sujets possibles. On pourrait parler de l'immigration qu'à travers la cuisine, à travers le logement, à travers le travail, à travers la mobilisation syndicale, c'est-à-dire les grèves, par exemple, dans les mines, dans les industries, etc. On pourrait parler de l'immigration à travers nos enfants. Moi-même, je suis maman, j'ai deux filles aussi. Voilà. On pourrait parler de l'immigration à travers, bien sûr, le logement, les marchés. On peut parler de l'immigration de mille et une façons. C'est un sujet très compliqué parce qu'on peut, dire aussi n'importe quoi sur l'immigration. Donc moi, mon propos, c'est-à-dire mon souhait depuis toujours, depuis que je fais la recherche, c'est de me dire, eh ben, il y a des tas de sujets, des tas de façons, des tas de sujets possibles pour parler d'immigration, des tas de façons de parler d'immigration que je vais juste regarder en arrière. Parler de l'histoire, être historienne. Vous êtes toutes, mesdames, historiennes, parce que vous avez toute une histoire à raconter. Et vous avez toutes, comme tous les êtres humains sur la Terre, et toutes, quand je vous ai écouté, vous avez dit, depuis quand vous êtes là, souvent, très souvent. N'importe quel immigré sur Terre, je parle des immigrés qui arrivent, ils vont tous dire la même chose. Je m'appelle, un homme, une femme, peu importe, et je suis arrivée en France. Tel jour. Je sais, je suis sûre que vous vous rappelez même le jour où vous avez quitté, pour celles qui ont immigré, c'est-à-dire toutes, hein, vous savez exactement le jour où vous êtes arrivé en France. Vous savez s'il pleuvait, s'il neigeait, s'il faisait du soleil. Vous savez exactement le jour où vous êtes arrivé en France, parce que ça, ça a imprimé votre mémoire. Et tant mieux, parce que ça, la mémoire, elle conserve ce qu'il y a de plus fort dans la vie de chacun d'entre nous. Et on le sait, ça. C'est pour ça que je pense qu'il est toujours important de regarder l'histoire. Ça ne veut pas dire qu'on s'enferme dans l'histoire et qu'on ne parle pas d'aujourd'hui, mais l'histoire, c'est très important aussi d'en parler quand on fait de la recherche sur l'immigration, parce que ça nous permet de comprendre qu'est-ce qui a changé entre hier et aujourd'hui. C'est ça qui est important de dire. Et puis aussi, l'histoire, c'est important parce que si nous n'écrivons pas notre histoire, personne ne l'écrira à notre place. Et ça, c'est de la dignité. Nous ne sommes pas des ovnis, des extraterrestres qui arrivons comme ça à un endroit sans histoire. D'accord ? Donc, et l'histoire, c'est pas... Il n'y a pas que les gens riches qui peuvent écrire leur histoire. Hein ? C'est pas qu'une histoire de savoir écrire avec un stylo et en utilisant les mains. C'est la mémoire que nous avons tous, parce que jamais nous n'oublierons. Moi, je suis née en France. Je connais à peu près, pas tout, l'histoire de mes parents. L'histoire de mes parents, elle m'a fait grandir. C'est grâce à l'histoire de mes parents qu'ils m'ont raconté comment ils sont arrivés, etc. en France, que j'ai pu étudier. Il ne faut jamais cacher l'histoire à un enfant. Parce que si ce n'est pas nos parents ou dans les livres qu'on nous le raconte, personne ne le racontera à notre place. Et donc, travailler sur l'histoire de l'immigration, c'est vraiment ce qu'on dit, on dit reconquérir sa dignité d'être, d'homme, de femme. Je suis digne, j'ai une histoire et je vis, voilà. Et puis aussi, pourquoi il est important, et là c'est plutôt politique, pourquoi il est important de parler, d'écrire sur l'histoire de l'immigration pour comprendre le présent, hein, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé. C'est parce que beaucoup de gens... La France, c'est un pays assez unique en la matière. Beaucoup de gens voudraient qu'on devienne amnésique. Vous savez ce que ça veut dire, amnésique ? Perdre la mémoire. Et beaucoup, là, dans la société française, je pense que la société française, elle est amnésique. C'est-à-dire qu'elle a perdu la mémoire. Parce qu'elle refuse de parler de certains sujets. Par contre, voilà. Et donc, c'est à nous, c'est de la dignité, c'est de la recherche, c'est de la connaissance, le savoir. Et le savoir et la connaissance nous permet de vivre mieux, mentalement. Parce que ce qui nous arrive aujourd'hui en France, c'est compliqué, très compliqué. La question de l'islam, ça fait plus d'un siècle hein, elle tiraille la société française et l'État français qui a du mal à digérer une histoire de l'immigration, parce que c'est une histoire coloniale. Le Nigeria, la Guinée aussi font partie de ces pays qui ont été colonisés par des pays occidentaux et européens. Alors, donc on va effectivement préciser, on va parler de l'immigration par rapport à l'islam, parce que, comme Alika vous l'a dit sans doute, on a créé à Saint-Étienne un collectif de contre l'islamophobie et pour l'égalité. En fait, c'est un collectif contre toutes les formes de racisme. Alors, donc, on a créé ce collectif pour nous exprimer, pour donner la parole à des femmes, parce que c'est souvent les femmes qui sont victimes de l'islamophobie, parce qu'elles portent un foulard, parce que ça se voit. Elles ont un truc visible. Et puis, parce qu'on ne veut pas, on s'est dit, pourquoi ? Tous les jours à la télévision, les élus, tout ça, ils parlent, ils vomissent sur les musulmans, et nous, on va rien faire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, et moi, je n'ai pas envie que ce soit les extrémistes religieux qui s'occupent de l'islamophobie, et je n'ai pas envie que ce soit les extrémistes laïcards, tout ça, qui crachent aussi sur l'islam. Et puis, comme je le dis souvent, moi, je ne crache pas sur ma mère. Le racisme, malheureusement, bien sûr qu'on va parler de l'islamophobie, mais l'accent, c'est terrible. Il y a plein de gens qui vont refuser à la poste ou autre chose parce que vous avez un accent qui ne leur plaît pas, parce qu'ils n'ont pas compris un mot, et qui vont vous, ça s'appelle de l'humiliation, hein. Et donc ça dépasse aussi la question d'être musulman, d'avoir une religion ou pas, ne serait-ce que l'accent, c'est terrible. Donc c'est pour ça que je vais vous dire, cette phrase, elle est compliquée peut-être, hein. Mais celui qui l'a écrit, c'est Abdelmalek Sayad. La France, en France, il y a eu des grands, il y a des grands chercheurs, d'écrivains, etc., de gens très bien qui ont dit, écrit, travaillé sur ces sujets, et ça fait plaisir de les lire parce que on retrouve un peu notre dignité. Ouais. Et ben, il dit un peu la même chose que toi parce qu'il dit que parfois dans la vie, il y a des choses qui remontent à la surface comme ça parce qu'on va mal te regarder. Et donc, ça te crée de la peur, un peu, ce que tu dis. Même lui, il dit, il y a des choses qui remontent parfois à la surface. On n'avait pas idée, on n'imaginait même pas que ces choses, elles pouvaient remonter comme ça. C'est-à-dire la souffrance, l'humiliation, l'incompréhension. Hein, d'accord ? Et c'était un grand chercheur, hein, lui, il était grand pour se défendre. Et il disait, ben, ces choses-là, ces impensés, ben, il faut les faire ressortir, il faut expliquer, il faut les mettre sur le papier, il faut les dire, parce qu'il y va de notre vie. C'était une phrase de la souffrance d'un homme qui était un des plus grands universitaires qui a travaillé sur l'immigration, et qui lui, on lui a jamais dit ça à l'arabe ou machin, à la poste, c'est un grand... Mais il voit, il observe, et donc il parle de l'impensé, c'est-à-dire ce qu'on n'ose pas penser, mais qui ressort. Et cette souffrance-là, tu l'as vécue, chacun d'entre nous, on la vit. Il y a une amnésie sociale, c'est-à-dire comme si toute la société française, elle avait perdu la mémoire du jour au lendemain. Elle se demande encore aujourd'hui pourquoi il y a des immigrés en France. C'est quand même bizarre, ça fait un siècle, c'est des hamal un petit peu, c'est des ânes les gens qui disent, moi j'en ai marre d'entendre des gens, même de notre génération, nous dire, mais pourquoi vous êtes en France ? Va lire madame, va lire monsieur, instruis-toi, c'est par la connaissance. Ouais, et lui, le Sayad, il nous a donné des pistes. Écrivez, étudiez, exprimez-vous, que vous sachiez lire ou ne pas lire, même si vous ne savez pas lire ou écrire, libérez votre parole. Et une parole intelligente, c'est-à-dire d'exprimer ce que vous avez dans la tête, comme tu disais, et dans le cœur. Et si ça ne se dit pas en français, vous le dites en arabe. Saint-Étienne, c'est une ville, comme d'autres villes ouvrières, industrielles, qui ont connu une très forte immigration, depuis plus de 2 siècles. Vous savez, les premiers migrants qui venaient à Saint-Étienne, ils venaient d'où ? Ils venaient de la Haute-Loire. Et ils ne parlaient pas français. Ils parlaient le patois. C'est ça mon mari. Le patois. C'est-à-dire un dialecte. Et c'est, je parle du 19e siècle, vers les années 1800. À Saint-Étienne, les premiers qui venaient, c'était des migrants. On les appelait les migrants de l'intérieur. Parce qu'ils étaient français. C'était des français, mais ils parlaient le patois. C'est un dialecte. Et ils venaient, c'était des paysans. Après, il y a eu, Saint-Étienne, c'était une ville, ou dans le département de la Loire, très vite, on a dit, cette ville, elle ne fait pas, il n'y a pas assez d'enfants, il n'y a pas assez de population active, hein, pour aller travailler. Alors on a commencé, il y a eu d'autres, des immigrations, mais on le trouve à Lyon, à Paris, à Marseille, cette histoire. Il y a eu également les premiers étrangers immigrés, étrangers, c'est-à-dire pas de nationalité française, qui sont venus après, c'est... Les Européens, les Italiens, les Polonais, les Espagnols, surtout les Italiens et les Polonais après les Espagnols, des années plus tard les Portugais, mais j'oublie avant eux les tout premiers. Vous savez qu'est-ce qui est venu à votre avis ? Qu'est-ce qui est venu avant les Italiens, les Espagnols, les Polonais ? C'est algérien. Non, avant. Romain, des Européens. Romains, je crois. Les Belges et les Suisses. Ah, ils sont venus aussi à Saint-Étienne. Les Belges étaient les tout premiers étrangers. C'était des Belges, des Suisses. Oui. Vraiment. Et puis donc après, les Espagnols, les Polonais, très importants, les Italiens, les Espagnols. Des années plus tard, dans les années 60, les Portugais. Et l'immigration maghrébine, elle arrive quand ? À peu près. On va dire africaine. Parce que le Maghreb, ça fait partie de l'Afrique aussi. Et beaucoup de Maghrébins, ils l'oublient aussi, ça, des moments. Je sais pas, parce que mon grand-père est mort avec la guerre ici. Voilà. Ben, en fait, les Maghrébins, on les appelait à l'époque, c'est ça qui est intéressant dans l'histoire. Les premiers Maghrébins, en fait, on les appelait les indigènes. On les appelait parfois les combattants coloniaux. Voilà. Parce qu'ils ont fait la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale. Parfois, on les appelait les sujets. Parce que sujets d'une colonie. Un sujet, dans les colonies, il y avait des sujets, c'est-à-dire les indigènes, qui sont aux ordres de la colonie, hein, et qui étaient exploités, dominés. Voilà. Et les colonisés, ils ont les appelait aussi, donc, soit les indigènes, les sujets, les protégés pour les Marocains et les Tunisiens, parce que c'était un protectorat, bon, mais les anciens combattants, les combattants coloniaux, je l'ai dit, les travailleurs coloniaux, on ne savait jamais comment les appeler. On les appelait aussi les Français musulmans, au début de la guerre d'Algérie. On les appelait aussi les Français, parce que quand ils étaient Français, pendant la colonisation, d'accord ? On les appelait aussi les Français de souche africaine. Une longue histoire. Et ça veut dire que vous, comme on dit, vous essuyez pas les plâtres. Il y en a d'autres avant vous. Et d'autres qui ont fabriqué, comme dit mon père ou ma mère, et souvent les immigrés disent ça, ils ont fabriqué la France. Vous êtes en train de vous fabriquer la France. Vous l'avez déjà fabriquée pour les vieilles. Pour les vieilles, elles sont retraitées. Vous avez donné des enfants, ils ont étudié, alhamdoulilah, etc. Oui, voilà, ils vivent en paix. Vous avez toutes les immigrations, européennes, africaines, asiatiques, etc. Elles ont toutes contribué au développement économique de la France. Si la France est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à une main d'œuvre qu'elle a pu exploiter. Si les mines à Saint-Étienne, c'est grâce aux mines aussi que la ville a... Dans les années 60, on comptait jusqu'à 70% de la main d'œuvre étrangère. Tu enlevais les étrangers de la mine, il n'y avait plus de mine. Tu enlevais les étrangers de Creusot-Loire, etc. Il n'y avait plus d'industrie. La France, elle était... C'était un pays colonisateur qui avait déjà colonisé une bonne partie de l'Afrique, les Anglais une autre partie de l'Afrique, les Portugais une autre partie de l'Afrique. C'était la bagarre entre eux. Ils se disaient, moi, j'ai un empire colonial, machin. Et la France, elle a trouvé une idée, elle a dit, allez, on va rendre hommage à notre empire colonial, on va faire ce qu'on appelle une exposition coloniale. Alors, à Paris, à Clermont, à Marseille et à Lyon. Et moi, j'ai travaillé sur l'exposition coloniale de Lyon. Et la première, c'était 1872, elle n'a pas bien marché, mais 1894, pendant 6 mois, au parc de la Tête d'Or. Vous voyez le parc de la Tête d'Or à Lyon, là où il y a un zoo, ici il y a des animaux, puis il y a des grands jardins, il y a un lac et tout. Et bien là, ils comptent pendant 6 mois, ils vont représenter l'empire colonial. On va chercher des hommes, des femmes, on les met dans les trains, dans les bateaux, on leur dit tiens, tu vas faire comme au village. C'est un piège cette photo. C'est en France, c'est à Lyon. Il va y avoir des temples, parce que la France, elle avait aussi des colonies en Asie. C'est un zoo humain. Il y a les Français, les Blancs, ils vont visiter. 3 millions de visiteurs en 6 mois. Et pas un problème à l'époque, c'était la colonisation. Donc ils allaient représenter. Et puis ils ont fait venir celui qui a inventé le cinéma en France. C'est les frères Lumière. C'est eux qui ont inventé le cinéma. Les premières images qu'ils ont faites, c'est quand qu'ils vont filmer en 1911, je crois. 1911, à Lyon, à la gare de Perrache. Ils vont filmer l'arrivée. Parce qu'il y avait plein de... En 1911, il y a eu une exposition aussi coloniale à Clermont-Ferrand. Ils vont filmer l'arrivée d'une tribu en Afrique australe, c'est qui vient de vers l'Afrique du Sud, une tribu, les Ashanti, je crois. Et ils les voient, ils sont habillés, il fait froid. On ne les habille pas avec une écharpe, un bonnet, là. Non. On leur dit, vous restez dans votre tenue. Voilà, vous êtes des indigènes. Et donc, c'est une curiosité. Et les frères Lumière vont filmer, vont descendre du train, connaissent pas trop. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on se représentait l'empire colonial. Et on valorisait. Ils étaient musulmans, on construisait des mosquées, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ce qui est important, c'était que la France, elle soit reconnue comme un grand empire. Parce qu'elle faisait concurrence aux Anglais, qui avaient aussi un empire colonial, aux Espagnols, aux Portugais. Ils jouaient de leur colonie comme ils voulaient. Et ils continuent, ils ont leur train, c'est le train, ils appellent ça la quinzaine coloniale. Et c'est l'inauguration du train colonial, place Jean Jaurès, le 23 mai 1942. Et il y a Pétain qui va venir aussi. Hein. Et là, ils sont là, gloire à l'Afrique, gloire à nos colonies, gloire à nos indigènes. Voilà, elle est vieille notre histoire. On ne peut pas comprendre le présent de l'immigration si on ne parle pas de ça. Si on ne parle pas de ça. Voilà, regardez, ils étaient là, place Jean Jaurès, ils mettaient une carte du monde, et ils disaient, voilà, ça c'est à nous, donc si on va à l'Afrique, c'est toute la carte du monde, ça on est là, on pille leurs richesses, etc. Voilà. Comme les autres pays colonisateurs, ils voulaient garder leurs colonies. Ah, tu veux une mosquée, il n'y a pas de problème, tu l'auras. Tu veux prier dans un temple, il n'y a pas de problème, tu l'auras. Regarde, à ta religion et tout, c'est pas un problème. Ce que je veux, c'est ta terre. C'est ta terre. C'est tes richesses. C'est ça. Donc on fait comme ça, vous savez, on fait comme ça. Je sais pas comment on se dit là, tu vois. Voilà. Voilà. Donc on vit comme ça. Et pire, on va plus loin. On parle beaucoup de la laïcité, la loi de 1905, qui permet aux gens de croire ou de ne pas croire. On protège les gens qui croient, on protège les gens qui ne croient pas, ok? Et on dit même, attention, la neutralité de l'État, hein, c'est-à-dire les enseignants, par exemple, tout ça, les médecins, ils doivent pas montrer leur religion, leur appartenance religieuse, etc. Et puis on dit, on va séparer l'Église de l'État, c'est-à-dire on va pas financer le culte. Ici, on fait tout le contraire, parce que en 1905 beaucoup de gens ne le savent pas en France, surtout les grandes gueules qui s'expriment à la télévision ou à la radio. En 1905, le culte musulman est exclu de la laïcité. Ça veut dire qu'on dit, dans les colonies, et notamment en Algérie, qui a été la plus grande colonie que les Français ont créée, qui ont colonisé avec beaucoup d'Européens qui sont venus, ça veut dire qu'en Algérie, par exemple, dans la colonie algérienne, en Algérie, dans les colonies, eh bien, les catholiques, les juifs, les protestants relevaient de la laïcité en 1905. Et il y avait en Algérie, dans toutes les colonies, les colons disaient « Ah là là, non, il faut qu'on exclue le culte musulman de la laïcité. » Parce que l'islam, c'est un obstacle. Parce que la religion, c'est un obstacle à la colonisation. Donc, il faut qu'on les contrôle et en même temps qu'on montre qu'on s'occupe d'eux et qu'on respecte leur religion. C'était ça, la stratégie politique de l'époque. À tel point que tous les mouvements indépendantistes dans les colonies françaises ont demandé, par exemple le FLN en Algérie, très tôt, bien avant le FLN, les militants indépendantistes algériens, ils disaient « On veut être sous le régime de la laïcité !» Même les ouléimas, c'est-à-dire les grands savants, imams, « On veut être sous le régime de la laïcité !» Parce que comme ça, en fait, la France, elle a vraiment... C'est pour ça qu'on est fous quand on lit cette histoire. On se dit aujourd'hui, nous, hein, la laïcité... Hier, ils ont dit non, parce qu'ils ont désigné l'islam comme un bouc émissaire qui allait être contre la colonisation, donc il fallait mieux la contrôler, et pour faire, en vérité, c'était ça leur projet, et en vérité, ils disaient, mais de toute façon, ils sont trop différents de nous, jamais ils s'intégreront, jamais ils s'assimileront, donc on va leur donner un chef, un imam, on va leur donner une mosquée, et des moments dans les rapports des renseignements généraux, où j'ai travaillé un petit peu, ils disent, oh, les mineurs maghrébins, nord-africains, au Puy Couriau ou ailleurs, ils sont pas assez religieux. C'est la préfecture qui dit ça. Ils font pas assez le ramadan, ils vont pas assez la prière. Comme ça. Mais ils leur disent ça. Ils n'en ont rien à faire. Ils ne respectent pas leur religion. Hein? C'est parce qu'ils veulent les pacifier. En 1945, à Saint-Étienne, c'est la fin de la guerre. Il faut remercier les combattants coloniaux pour aller au cimetière d'Annonay ou pour aller au cimetière de Chasselas-sur-Rhône. C'est pas très loin. Et on verra les tombes des Africains, des tirailleurs africains, de toute l'Afrique, de toutes les nationalités qui ont été colonisées et qui ont participé à la Première Guerre mondiale, à la Deuxième Guerre mondiale. Beaucoup, moi, quand j'étais petite, j'aurais aimé que ma maîtresse ou mon professeur, il m'amène là-bas. Et alors là, on est septembre 1945, c'est la fin de la guerre, on sait que les coloniaux, les combattants coloniaux ont beaucoup œuvré, et voilà, ils organisent, le préfet de la Loire demande au service central des affaires musulmanes nord-africaines d'organiser la célébration de l'Aïd sur tout le territoire, l'Aïd el-Kébir. Et donc, ils vont dire, eh ben voilà, il faut réparer et pacifier un peu. C'est-à-dire, je te donne, on doit garder notre empire colonial et on a besoin d'eux pour la main-d'œuvre. C'est compliqué. Et au même moment, il y a une révolution qui commence à naître en Afrique. Pas qu'en Algérie. Il y a des indépendantistes dans toute l'Afrique. Ah, elle est extraordinaire celle-ci. 1942, toujours pareil. Le préfet, il dit, ah, attention, il faut respecter les croyances de ces hommes. C'était beaucoup des hommes, hein. Les femmes, elles arrivent plutôt à partir des années 50. Là, interdiction de vendre des boissons alcoolisées aux travailleurs nord-africains. C'est pas pour respecter les principes religieux qu'ils ont fait ça. C'est parce que les patrons des houillères, ils disent, oh, il y en a, ils boivent, ils savent pas boire en plus, ou je sais pas quoi, et ils travaillent mal. Hein, ils travaillent mal. Donc voilà, c'est tout par hypocrisie. Hein? Espagnol ou en portugais, tu n'allais pas dans ces bureaux, tu allais au service de la main-d'œuvre étrangère, jusqu'aux années 70. Ouais. Après, mais pour les Africains, les colonisés, ils avaient des services à part. Pourtant, ils étaient comme la main-d'œuvre étrangère. Non, ils avaient des services à part. Ils avaient le bureau, ils avaient par exemple le service des affaires indigènes nord-africaines qui était rue des Alliés. Et là-bas, on adoptait une autre justice, puisqu'ils étaient hors de la laïcité. Là-bas, quand ils réglaient des choses, j'écris, on prête serment sur le Coran, on reproduit la justice du bled. C'est ce qu'on appelait les bureaux arabes. C'est une façon de coloniser encore plus, de dominer. Vous n'irez pas au service de la main-d'œuvre étrangère. Vous, les colonisés, vous êtes à part. Service d'affaires indigènes, après il est devenu le contrôle social de la main-d'œuvre nord-africaine, après il est devenu le bureau des affaires musulmanes nord-africaines. Voyez la laïcité, preuve que la laïcité, ils s'en foutaient pour les musulmans, parce qu'ils utilisaient le terme musulman. Aujourd'hui, ce serait un choc si on devait trouver des services comme ça. Mais c'est comme ça, ce sont des colonisés, c'est la colonisation qui fait venir ces hommes, c'est tout. Donc on est dans les années 80. François Dubenchet, à l'époque, il y a un président, il s'appelle Mitterrand. Mitterrand, il dit, allez, on est début, il a été élu en 1981. Il dit, on va aider les quartiers populaires, les grands ensembles, là où il y a des bars, des tours, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles immigrées, il faut rénover et tout. Et il dit, Saint-Étienne, il y a un problème à Montchauvet, il faut rénover. Il y a beaucoup de monde, il manque des structures, il manque des associations, tout ça. Et Dubenchet, il dit à François Mitterrand, voilà, et cette lettre, elle est intéressante. Parce qu'il refuse que l'État mette de l'argent pour rénover le quartier. Et il dit quoi? Attention, c'est comme si c'était aujourd'hui, cette phrase qu'il va lire. Et je vous la lis. Il dit au président de la République, je n'en veux pas de votre contrat de ville. C'est un contrat de ville, c'est-à-dire un projet avec de l'argent pour rénover, hein, repeindre, refaire les logements, trouver de l'emploi aux jeunes, etc. C'est aujourd'hui, hein, ça, François Dubon, 85, c'est aujourd'hui. Hein. Et il dit au président, là, c'est une lettre, il l'a écrite, hein, l'intégration de certaines ethnies, l'intégration de certains peuples étrangers, quoi, on va dire, dans la population française est difficile. Celles d'origine maghrébine et turque en particulier. C'est-à-dire surtout les maghrébins et turcs parce qu'ils sont nombreux. car elle se heurte généralement à une position de refus de ces deux communautés. En gros, elles refusent tout. Et ils veulent pas, ils veulent pas, ils refusent s'intégrer, s'assimiler, nanan, machin. Le regroupement volontaire est jamais imposé des familles maghrébines et turques ayant des affinités communes autour de foyers, de foyers culturels pourrait contribuer à une autodiscipline de ces communautés avec l'espérance raisonnable d'heureux effets sur la sécurité publique et l'ordre général. Cette phrase, elle est terrible. Déjà, ils disent le problème de François Dubochet, c'est la sécurité publique et l'ordre général, c'est-à-dire l'ordre public, l'ordre, ben, l'ordre, la sécurité, c'est, ça veut dire la même chose. Son problème, c'est déjà ça. Son deuxième problème, c'est surtout les Maghrébins et les Turcs. C'est-à-dire, et on pourrait rajouter, c'est-à-dire les musulmans, mais on pourrait rajouter les Noirs, même s'ils sont catholiques ou protestants. Ils sont différents, lui, ils s'en fichent, ils regardent la couleur de la peau ou la religion. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut qu'ils soient unis, les Noirs et les Arabes et les musulmans, et qu'ils se respectent déjà. C'est pour ça que Mohamed, l'imam de la Guinée, il était comme ça. Par rapport, parce qu'il y a du racisme aussi chez les Maghrébins envers nos compatriotes noirs. Et on le sait entre nous, on le sait. Et donc ils utilisent tout ça, mais il dit, ce que je veux pas de l'argent pour rénover, il faut au contraire les laisser vivre ensemble, dans la même boîte, parce qu'ils peuvent pas faire autrement. Ils peuvent pas vivre avec les autres, c'est-à-dire les Français, alors que nous vivons tous avec des Français. Nous sommes intégrés, comme il veut. On n'aime pas ce mot, mais on l'est. Hein. Et après, il dit, il faut respecter l'identité culturelle, c'est-à-dire la culture, mais aussi cultuelle, c'est-à-dire leur culte, leur religion. Il faut respecter l'identité culturelle de ces populations. D'accord. Il dit aussi, force est de constater, c'est-à-dire je constate que les populations musulmanes sont trop souvent coupées de leur origine. Parce qu'elles sont coupées de leur pays, de leurs attaches. Il utilise les masques. Ça qu'est-ce, tu vois. Oui, mais regardez, il dit, ils sont coupés, donc, comme ils sont coupés, ils sont tristes, ils ne peuvent pas s'intégrer. Hein? C'est, tu vois ce qu'il est capable de penser, le cerveau d'un homme pas intelligent. Après, il dit, il faut donner du travail à ces communautés. Pourquoi ne pas chercher auprès d'investisseurs de l'islam les moyens nécessaires à la création d'entreprises ? Bref, qui pourraient être en partie réservés à l'utilisation d'une population d'appartenance islamique. C'est-à-dire qu'il dit, et il termine, voilà. En gros, en conclusion, les problèmes causés par l'immigration maghrébine et turque pourraient être en partie résolus, les problèmes ils pourraient être réglés, dans la mesure où ces populations se prendraient en charge elles-mêmes sur notre territoire, avec le concours d'un encadrement de même origine. C'est-à-dire que cette phrase, cette expression-là, ce qu'il propose, et je vous rappelle, nous sommes après la décolonisation. Nous ne sommes pas au temps des villages, qu'on appelait ça le village nègre. Ça, on l'appelait le village nègre. Ce qu'il propose, c'est un village colonial. On met tous les Maghrébins, les Turcs ensemble. On demande aux entrepreneurs maghrébins et turcs de leur trouver du boulot, de leur créer des écoles. Ça s'appelle un ghetto. Ce que je veux dire, c'est que la question de l'islam, en fait, hier, c'est un prétexte, comme aujourd'hui. Ce qui est important, c'est-à-dire que hier, c'est le statut. C'est toujours, ce que je veux dire, cette histoire, elle est instrumentalisée, on l'utilise pour des raisons politiques. Ce qui est commun, c'est-à-dire ce qui reste présent hier et aujourd'hui, c'est que la France, la société française, mais l'État français aussi, a toujours... Et encore, comme hier et aujourd'hui, ça, malheureusement, ça n'a pas changé. Elle a un problème avec l'autre, celui qui ne lui ressemble pas complètement, parce qu'il est noir, parce qu'il est musulman, machin. Alors oui, elle a un foulard, on va encore plus le désigner, etc. Mais ce qu'il faut dire aux gens, il faut leur rappeler cette histoire. Comment vous voulez quand on reste, on est intelligent, on comprend. Mais vous savez, il y a une maladie qui s'appelle la schizophrénie. C'est-à-dire, tu as une double personnalité. Des moments, tu te dis, on va nous rendre. Sinon, hier, c'est comme ça. Ah, hein. Demain. Et aujourd'hui, c'est. Non, hey, je vais devenir fou, moi. Donc, la question, c'est la religion. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas ce qui fabrique des inégalités en France, tout ça. Par contre, ça fabrique des racistes. Ça, c'est clair. Mais ce qui est important, C'est la question de la domination. On pouvait faire ce qu'on voulait hier. Là, on va mettre l'imam, machin, voilà. En vérité, on était persuadés, moi j'ai trouvé d'autres rapports où on dit, ils ne sont pas intelligents, leur cerveau n'est pas formé comme notre cerveau de blanc, de français, quoi. C'était ça. C'est très. Ça s'appelle. C'est, on était à l'époque du racisme biologique. C'est-à-dire, on dit l'autre, toi, t'es différent de moi. C'est dans tes gènes. Tu ne peux pas. C'est des anthropologues. On va mesurer le crâne, comment il est, le nez, tout ça. Hein, on va dire. Ils sont différents. Mais aujourd'hui, nous dénonçons, on écrit, et on leur dit vos représentations, c'est-à-dire votre image que vous avez de nous, elle est encore engluée, c'est-à-dire encore collée. Collé au temps de la colonisation, c'est-à-dire le passé qui passe mal. Tu vois. Notre question aujourd'hui, c'est de produire notre mémoire, de la coucher sur le papier. Et voilà, on vient donc d'écouter un montage de Leila Ben-Sharif qui vient de causer de l'histoire des immigrations à Saint-Étienne. On est sur Comme un ouragan, émission en direct sur Radio Duo 89.5. Et pour continuer l'émission, on est du coup avec deux camarades qu'on a invités, Malika et Monira, qu'on est très contente de recevoir. Merci. Merci, ça fait plaisir. C'est chouette. Et du coup, ce qui déroule beaucoup, Leila, c'est... Il y a tout un bout où elle raconte vraiment qu'est-ce que c'est que de ne pas avoir eu accès à son histoire et aussi comment... ça sert un propos qui est de ne pas écrire l'histoire, de ne pas y donner accès, que ça permet de, ce qu'elle dit à la toute fin, quoi, de rester englué dans des imaginaires racistes et de pas faire le travail de visibilisation et de tout ça. Du coup, moi, j'ai envie de vous dire un peu, première question à toutes les deux, si vous avez envie de vous présenter un peu et puis de nous causer un petit peu de vous, comment vous avez pu avoir accès à ces bouts d'histoire-là ou ne pas y avoir accès et qu'est-ce que ça a fabriqué, quoi. Ok, donc c'est Mounira me demande de commencer, donc je commence. Donc la question c'est de savoir en gros comment on a pu prendre conscience de ce statut d'immigré, on va dire, et toutes les questions que ça peut générer. Tout à fait. Voilà. Bon, c'est un truc que je raconte assez pour les proches régulièrement, que là je vais diffuser à la radio. Non, mais qui est l'anecdote effectivement, mais qui est symptomatique, je pense, de comment tu prends conscience en fait que t'es pas tout à fait pareil. Tu vas à l'école, hein, t'es une gamine, tu vas à l'école, t'as tes copines, elles s'appellent Sophie, elles s'appellent Marie, elles s'appellent Samira, elle s'appelle, etc., etc. Donc, moi, je suis issu d'un quartier plutôt populaire à Saint-Étienne, Moreno, pour ceux qui connaissent la ville. Donc, du coup, effectivement, cosmopolite, hein, des Italiens, des Portugais, des Français, etc. Et là, il y a un moment où, en tout cas, c'est ce qui m'avait super marqué. Moi, j'avais un problème avec mes cheveux. Et toutes les femmes arabes qui m'écoutent, elles savent pourquoi je parle de mes cheveux, et les femmes africaines même, je dirais, de manière générale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, bah, j'avais les cheveux en bataille, tout frisé, tout crépus, tout... Enfin bon, bref. Et je me souviens, à cet âge-là, et ma mère, elle me le rappelle, je sais pas, je dois avoir 5 ans à peu près, en disant, mais punaise, mais pourquoi j'ai ces cheveux tout pourris là, où je peux pas passer ma main dedans, je peux pas. Alors qu'autour de moi, il y a des copines qui ont les cheveux tout lisses, tout raides. Et j'avais été particulièrement marquée, puisque je l'ai raconté aux copines, par la pub d'Annette. D'Annette, où il y avait donc une gamine de mon âge qui était blonde, aux yeux bleus, qui avait les cheveux raides, et je rêvais d'avoir ses cheveux, en fait. Tout simplement, je disais, mais pourquoi elle peut les peigner, elle peut les... Voilà. Et voilà, et il y a eu cette anecdote, et puis un certain nombre avec le temps. Mais en tout cas, je me souviens très bien que la primaire a été un... les moments les plus marquants sur même ce que nous renvoyaient les instits, un certain nombre de réflexions. Moi, je me rappelle très bien de vous consentez le couscous, qu'on salissait nos affaires, que bref, un certain nombre de réflexions. Après, moi, je suis d'une génération, je reprécise, j'ai 47 ans, où on a eu des instits de vieille école, ce que j'appelle les républicains, là, 1900. Avec voilà un côté très très républicain, et pour le coup, et ben il fallait que nous enfants d'immigrés, bon, s'adaptent à cette école républicaine. Ça voulait dire des parents des parents qui parlent le français, des cheveux pas trop crépus, enfin bon bref. En tout cas, moi, cette prise de conscience, elle date de la primaire et je me rappelle très bien. Je pourrais raconter des anecdotes, mais je vais pas prendre toute la soirée pour le faire, mais et en particulier l'école qui est dans ma biographie politique, qui a été un des moments les plus aussi douloureux, hein, à la fois les plus sympas parce que t'as les copains et que de toute façon on vit tous la même chose, les copines, et que du coup on peut le partager dans le quartier, tout ça, donc c'est super classe. Mais de l'autre côté, on a une institution qui est particulièrement violente, qui est l'école primaire, quoi. En tout cas, moi, ça a commencé là. Je vais laisser la parole à ma copine. On ira. Et ben merci, Malika. Du coup, moi, ça n'a pas commencé si tôt. Moi, mon expérience qui dit t'es pas vraiment française, elle a commencé quand j'ai eu 18 ans et que j'ai commencé à chercher du boulot. Là, j'ai senti, du coup, on me demandait d'où je venais, d'où venait mon nom de famille, etc. Alors, moi, je suis née en France, de parents nés en France, donc j'ai pas tout de suite compris quelles étaient ces questions et ce que ça voulait dire. Et puis, j'ai travaillé dans une célèbre asso stéphanoise et j'ai fait de l'aide à domicile. Et là, je suis arrivée chez des personnes qui m'ont vraiment maltraitée, mais vraiment... voilà, c'était le premier été où j'ai travaillé et vraiment, ça a été ultra violent. Et je me suis pris des remarques racistes tous les jours pendant un mois. Et du coup, le deuxième mois, on m'a demandé si je voulais encore travailler. J'ai dit non, merci. Parce que ça a été ultra violent et qu'on me parlait de la guerre d'Algérie, les Arabes, c'est des voleurs, machin. Enfin, et là, j'ai compris que oui, effectivement, j'allais pas vraiment... j'étais pas vraiment française pour tout le monde. Et puis après, j'ai dû chercher un appart et ça a été pareil. Un jour, j'ai visité un appartement collectivement. Donc, on était 10 à visiter le même appart le même jour. Et du coup, mon faciès pouvait laisser entendre que j'étais blanche. Et en fait, donc, j'ai visité l'appartement et ça avait l'air tout bon pour la personne qui m'a reçue. Et finalement, quand je lui ai donné mes papiers, parce que j'avais déjà tout préparé, et finalement, quand je lui ai donné mes papiers, elle a vu mon nom, j'ai vu son visage se décomposer, et finalement, il n'était plus disponible, l'appartement. Donc, j'ai compris que ce ne serait pas aussi facile, et ces expériences, elles se sont reproduites régulièrement, jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, où je cherchais un appartement, et il m'est arrivé exactement la même chose. Pour l'agence, tout était bon, mais pour la propriétaire... elle a bloqué et à la fin elle m'a dit je l'ai retrouvé parce qu'elle avait remis son appart en ligne et quand je l'ai retrouvé et que je l'ai appelé elle m'a dit non mais j'ai pas regardé votre dossier et je le regarderai pas. Donc j'ai compris que c'était encore une histoire de patronyme. Voilà. Ok. Et du coup et à partir de tout ça et de toutes ces expériences je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il peut y avoir deux questions et on peut voir si vous préférez partir sur la première qui est un peu juste peut-être pour revenir sur cette histoire de comment est-ce qu'on a accès à de l'histoire ou des choses comme ça, que moi ça pourrait être un peu de vous renvoyer un peu là-dessus sur inscrire ça dans une continuité d'histoire sur vraiment la continuité là du montage de Léla où elle dit bah en fait avoir accès à l'histoire des immigrations, l'histoire qui se raconte pas, qu'est-ce que ça peut fabriquer pour récupérer de la dignité ou en tout cas s'inscrire dans un truc qui a du sens et se redonner un peu de la force. Enfin vous un peu, est-ce que vous c'est des trucs, comment vous y avez eu accès, est-ce que vous y avez eu accès, et sinon peut-être de façon plus générale comment ça a construit votre engagement politique ou... Alors pour aller dans la continuité de ce que je disais moi tout à l'heure, je pense que du coup, le message républicain, il marche. Il marche très bien, il est puissant. Et l'école, elle est puissante dans cette transmission de ce qui se révèle avec le temps une dépossession de ton histoire. Mais ça, moi, le discours que je vais tenir maintenant, et je reprécise mon âge parce que c'est important, tu vois, tu disais tout à l'heure par rapport à toi, tes parents sont nés en France, donc moi, je suis vraiment issu de parents immigrés, avec cette immigration années 50, 60, besoin de main-d'œuvre, tout ça, donc cette fameuse première, alors je sais pas si je suis la deuxième ou la première, enfin j'ai pas compris si la première c'était mes parents et moi la deuxième, ou moi la première, enfin bon bref, peu importe, mais moi, le jusqu'à, on va dire, quasi mes 30 ans, voire 30, 35 ans, je tenais le discours qu'on attendait de moi. Donc, c'est-à-dire, je ne connaissais pas mon histoire. Et c'est encore le cas, évidemment, d'une grosse majorité de minorités algériennes, et pas que, hein, d'ailleurs. C'est-à-dire que, ouais, et ben, en plus, scolairement, j'ai pas trop mal foiré, la famille a plutôt réussi. Donc, c'était ça, nous, c'était la réussite par l'école, puis la réussite par le travail, puis, du coup, vous êtes français, vous avez les mêmes droits que vos concitoyens français, puisqu'on est nés français en plus, nous. Ok, j'y ai cru. Jusqu'au moment où j'ai dit, en fait, c'est quoi cette arnaque, en fait, et qu'effectivement il y a un moment, de par tes rencontres, de par tes lectures, de par tout un parcours politique en tout cas, qui fait que tu te rends bien compte qu'on t'a complètement occulté ton histoire, on t'a dépossédé de l'histoire de tes parents. C'est-à-dire le... aussi, pardon, mais si tu racontes, pour moi c'est un peu ce truc de un moment de croix, c'est des expériences privées, et après de capter que c'est un truc politique, quoi, ouais. Que tu fais un peu, tu as des vécus à l'école et tu te dis bon, c'est un rapport avec moi, mais avec moi comme personne, et pas en fait toute une histoire super raciste collective derrière, en fait, exactement, ouais. De catégories sociales, ouais. C'est-à-dire qu'effectivement à un moment donné, ouais, c'est tu résumes assez bien les choses, c'est-à-dire que tu te dis bon, c'est individuellement ce que tu vis, et tu dépolitises politises les choses, et quand effectivement t'inverses les choses, de par, encore une fois, ton parcours, tes lectures, etc., bah, t'arrives à comprendre qu'en fait, oui, on nous... Et en ce sens-là, la conférence que vous venez de passer de Léla, elle est extrêmement précieuse. Léla Ben-Sharif sur Saint-Étienne, je vais le dire, elle va m'entendre, j'espère, elle est précieuse et malheureusement sous-estimée, parce que c'est une meuf aussi, hein, faut pas l'oublier, et qu'elle a fait un travail de recherche il y a 20 ans, là où personne n'avait fait, sur ce qui s'est passé. Nous, notre histoire, alors Ronald Pine, Stéphane d'enfants d'immigrés, qui est remarquable, le travail de Léla. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'un jour, tu comprends que effectivement, l'école républicaine, c'est une arnaque, qu'elle te fait croire que tu as les mêmes chances que les autres, alors qu'en fait, c'est pas vrai. Tu fais 10 fois plus d'efforts que les autres. Moi, j'ai fait 10 fois plus d'efforts pour en arriver, parce que je suis une meuf et parce que je suis une rebeu. Pour en arriver, d'ailleurs, je sais pas où, hein, au passage, hein, parce que bon, voilà, je suis même pas sûr, enfin, l'école, elle te permet de, mais en tout cas, oui, si, à l'heure actuelle, je peux considérer que j'ai un certain confort intellectuel, matériel, et je sais pas quoi, par rapport à des pères, P-A-I-R-S, qui galèrent un peu plus, parce que effectivement, scolairement, elles ont un peu moins poussé, quoi. Mais enfin, je vais te laisser peut-être réagir là-dessus. Ouais, bah du coup, ouais, je rebondis sur ce que tu dis. Effectivement, il y a un moment où on se rend compte que notre situation, c'est pas une situation personnelle. On subit pas tout seul des faits racistes, etc. En vérité, on nous renvoie à une catégorie dont on fait partie et dont on n'avait pas forcément conscience. Et en fait, on fait partie des descendants de l'immigration post-coloniale. Parce que finalement, il faut aussi se rappeler qu'on a une histoire et que cette histoire, c'est des gens qu'on est allé chercher pour venir travailler, et on n'a pas, on n'est pas des enfants qui avons envahi la France comme ça du jour au lendemain. On est allé chercher, moi c'est mes grands-parents, toi c'est tes parents, on est allé les chercher pour travailler, on est allé les chercher parce qu'il fallait de la main-d'œuvre pas chère et corvéable à merci. Et finalement, oui, on fait partie de cette classe-là, une classe plutôt pauvre, une classe sociale plutôt pauvre et racisée. Et finalement, maintenant, évidemment, tout ce qu'on fait maintenant, ça part de là. On peut plus se dire on est juste des Français comme les autres, etc. On a aussi une conscience supérieure de ce qu'est. En fait, on a une double lutte. Il y a des gens qui viennent de quartiers populaires et qui ont une lutte qui est la lutte des classes, par exemple, et qui se disent il faut lutter pour l'égalité, etc. Et nous, on a la lutte des classes et la lutte contre le racisme, contre le post-colonialisme. Et là, on est porteur d'une histoire. Ouais, tu peux expliquer juste ce que c'est, ce post-colonialisme? Vas-y, je te laisse faire. Pas forcément ce que je voulais. Ok. Non, mais en fait, du coup, qui me permettra de réagir aussi par rapport à ce que vient de dire Léla, parce qu'en fait, elle termine en plus sur le racisme biologique. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les gens ont l'impression qu'il y a le racisme biologique et rien d'autre. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où une personne ne pense pas que biologiquement, un noir et un blanc sont différents, ils ne sont pas racistes. Eh bien non, il y a un racisme social. Et on est sur ces questions-là. Quand on parle de questions raciales, quand on parle de questions postcoloniales, on parle d'une histoire, on parle d'un contexte socio-historique. C'est-à-dire on parle nous, on est issus effectivement de nos parents ont vécu le colonialisme, et en fait, on considère que la manière dont on a traité nos parents en Algérie à l'époque, avec la violence de la colonisation, avec avec toute la violence, pas simplement la violence des armes, hein, la violence aussi symbolique. On a décimé une culture, en fait. On a décimé, moi, mes parents sont agriculteurs à la base, c'est des paysans kabyles qui vivaient et très bien dans les montagnes et qui vivaient très bien, surtout ils mangeaient bien, ils étaient plutôt dans une organisation sociale à peu près sereine. Du jour au lendemain, on leur a détruit toute leur histoire, en fait. On a détruit leur village, on les a pas simplement massacrés physiquement, on a aussi détruit une mémoire, détruit une culture, détruit des valeurs, des codes sociaux, etc. Et c'est ces mêmes catégories qu'on a effectivement, à qui on a dit, ben, qu'on a laissé crever la dalle, hein, clairement. Moi, j'ai des témoignages réels, hein. C'est pas la guerre d'Algérie, en plus, c'est pas il y a 3 siècles. Hein. Ma mère, mes parents ont crevé la dalle, c'est-à-dire ont bouffé de l'herbe pour pouvoir survivre, en fait. Et à un moment donné, on leur a dit, bah, vous savez quoi, en France, il y a besoin de main-d'œuvre, donc ils avaient pas le choix, en fait, qu'on soit allé les chercher ou pas. Juste, moi, mon père, le jour où il a déboulé là, juste, c'est soit il crevait la dalle là-bas, soit il venait ici. Donc, et nous, cette histoire de, enfin, ce concept d'études postcoloniales ou de postcolonialisme, c'est de dire en fait la manière dont on a traité nos parents en Algérie ou au Maroc ou dans d'autres pays coloniaux, de pays qui ont été colonisés, on est traité, nous, de la même manière. C'est-à-dire qu'en fait, on est issu de cette culture de domination coloniale. C'est ça, cette idée de postcoloniale. Et le racisme social, c'est considérer en fait qu'une catégorie comme les Arabes, comme les Noirs, comme les Asiatiques, etc., ben, sont pas tout à fait pareil que nous, que vous, en tout cas, les Blancs. Voilà. Et c'est réel. Seulement pour faire une petite... On fait une tout petite pause musicale pour après reprendre, voilà, c'est ça le mot. Une petite première chanson que vous avez nous amenée. Du coup, on va écouter Shadia Mansour, El Kofi. Ah non, c'est... صباح الخير يا ولاد عمومنا تفضلوا شرفونا شو بتحب مضيفكم دم عربي ولا دموع من عيوننا بعتقد هيك تأملوا نستقبل من هيك تعقدوا لما تدركموا على غلطة من هيك لبسنا الكوفي البيضة والسودة صاروا كلاب الزمان يلبسوها كموضة مهما تفننوا فيها مهما غيروا بلونها كوفية عربية بتضل عربية حطتنا بدنا إياه ثقافتنا بدنا إياه كرامتنا بدنا إياه كل شي إلنا بدنا إياه ما رح نسكت لن نسمح لن ليه بقلن يسرقوا شغلة مش إلهم وخصن فيه يقلدونا بلتبس لبس كل هالقرب بكفي هنش طمعانين عالقدس قدس اعرفوا كيف تكونوا بشر ما بتلبسوا كوفية جينا نذكرن مين إحنا وغصب عن أبوهم هي حطتنا من هيك لبسنا الكوفية لأننا وطنية الكوفية كوفية عربية من هيك لبسنا الكوفية هويتنا الأساسية الكوفية كوفية عربية يلا علم كوفية علولي هالكوفية الكوفية كوفية عربية علوه هلا بلاد الشام كوفية عربية بتضل عربية ما في بعد مثل الشعب العربي فرجوني أي أمي بالدنيا أكتر مؤثرة الصورة واضحة نحن مهد الحضارة تاريخنا وتراثنا الشاهد على وجودنا من هيك لبست الثوب الفلسطيني من حفا جنين جبل النار إلى رام الله خليني شوف الكوفية البيضة والحمرة خلينا نعليها لفوق بالسما أنا هشاه ديك العرب الزاني بخص غزل زاني بهز هزكلي ماتي حرب سجل أنا شادية منصور والحطة هويتي من يوم ما خلقت سيدي والشعب مسؤوليتي لك أنا تربيت بين الغرب وبين الشرق بين لغتين بين بخيل بين فقير شفت الحياة من الشقتين سنة مثل الكوفية كيف ما لبستوني وين ما شلحتوني بضلني عأصولي فلسطينية من هيك لبسنا الكوفية لأنها وطنية الكوفية كوفية عربية من لبسنا الكوفي هويتنا الأساسية الكوفي كوفي عربي يلا علي الكوفي علولي هالكوفي الكوفي كوفي عربي علوه هلا بلاد الشام كوفية عربية بتضل عربي think it's a trend, a fashion statement. Disgustingly, I spit on the pavement. It's basic. Y'all know I bang for my flag. My bandana ain't no rag. The kafia ain't no scarf. It's a part of the movement. The symbolism is resistance. No coincidence that you can see the RBG in it. Que bonita bandera. Ain't it beautiful? I say it in Spanish. It's solidarity. The feelings is mutual. Meanwhile, hi, that's M1 in Arabic. I'm pro-Falastini, does that make me a terrorist? You can catch me in Gaza, in Haifa or Ramallah, but I'm still just Mutulu Olubala. So when I rep with Shaja, we rhyme with our middle fingers up to the Zionists, cause we don't give a fuck, it's justice. So tie that thing around your head and ride, wave it in the air and let me know what side you on. Uhuru, yeah. The kafir is Arab. Yeah, it's M1. Solidarity, feel me, Shaja. Do it. From the ghetto to Gaza. I keep it RBG up. Yeah. Bang for my flag. Bonsoir, alors on est sur l'émission Comme un ouragan sur Radio Audio 89.5. Bon, c'est les chiffres en français. J'arrive jamais, je trouve ça alors pas là, logique. 99.5, c'est trop la classe pour Radio Audio. Ça, mais c'est pas logique les chiffres en français, comment c'est fait. 89.5, ok. Alors, on était là ce soir pour parler autour de l'histoire de l'immigration à Saint-Étienne et de discuter des luttes décoloniales, antiracistes et contre l'islamophobie. On a les deux invités, Malika et Monira. Et juste avant, Malika, elle a pris la parole pour... on était un peu sur le postcolonialisme. Et je crois là... On était arrivé au postcolonialisme. Et comme on n'a pas envie de faire une émission super intellectuelle et qu'on veut bien expliquer les choses, je voulais expliquer concrètement ce que c'est le postcolonialisme. Donc le postcolonialisme, c'est par exemple quand vous êtes un peu trop bronzé et que vous vous faites contrôler 5 fois dans la même journée, alors qu'un gars de votre âge, vous allez lui demander est-ce qu'il s'est déjà fait contrôler, il va dire bah non, jamais. Oh si, une fois en sortant de soirée en 94. Alors que toi, ça t'arrive tous les jours, plusieurs fois par jour. Et ça, c'est... Il y a des gens qui grandissent avec ça. Et pour moi, c'est ça le postcolonialisme, en fait. C'est... le colonialisme, il a traité nos ancêtres avec aucun respect, un statut d'infériorité et tout. Et là, même si c'est plus un régime qui soumet un autre peuple, etc., ben c'est quand même existant dans la société. C'est un racisme institutionnel, systémique, qui est dans la police, dans les institutions, etc. Et ça, bah, ça existe toujours. Et il y a des gens voilà, parmi nous qui le vivent au quotidien. Et puis, on le vit aussi dans le discours médiatique, politique. On entend sans arrêt parler de nous. On nous essentialise. Nous, les Arabes, nous, les musulmans. Alors, comme nous, les Arabes, ça fait un peu trop raciste. Il y a eu toute cette époque du racisme qui concerne la race. Et là, maintenant, comme c'est plus... ça passe mieux de critiquer une religion. Du coup, maintenant, le racisme, il passe par le biais de la religion. Donc maintenant, c'est l'islamophobie qui nous englobe, qui nous essentialise, qui considère qu'on est un groupe de gens uniformes et qu'on peut nous traiter comme des gens inférieurs. Et puis toute cette instrumentalisation du féminisme contre les musulmans, que les musulmans seraient moins féministes, moins respectueux des femmes. Et voilà, les femmes musulmanes auraient besoin d'être sauvées, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui existait pendant la colonisation en Algérie, avec les cérémonies de dévoilement. Malika, tu peux compléter si tu as envie. Bah, je suis d'accord, oui. On est dans le même sens. C'est-à-dire que quand on disait tout à l'heure continuité du traitement des catégories d'enfants, d'immigrés, donc on va dire de génération post-coloniale, pardon, oui. Du coup, c'était ça, c'est-à-dire c'est comment on criminalise complètement une catégorie sociale, c'est-à-dire que effectivement, c'est les Arabes, mais et les Noirs aussi, vivent un peu la même chose. Ils seraient potentiellement des catégories qui donc surreprésentées dans la maltraitance, pas maltraitance, les violences policières, voire les crimes policiers, voire toute cette réalité, en fait, c'est un quotidien. Je crois que les gens ne réalisent pas, en fait, ce que c'est, en fait, que de grandir avec constamment soit des instits, en fait, qui passent leur vie à vous juger, parce que votre mère a le foulard, parce que si, donc à l'heure actuelle, donc si vous avez le malheur d'avoir une daronne qui porte le foulard, vous pouvez pas faire une sortie avec votre mère, donc c'est humiliant. Vous grandissez un peu, vous prenez des claques par les flics à partir de l'âge de 10-11 ans. Vous grandissez un peu plus, vous cherchez un logement, vous le trouvez jamais, vous cherchez un travail, enfin bref. Et il faut arriver à imaginer ce que c'est que de se construire, en fait, dans cette violence-là, en fait, dans cette violence symbolique-là. Et dans le fait que quand vous essayez de poser, en fait, cette réalité, on vous dit, mais non, c'est la France, c'est la République. Encore une fois, l'école républicaine, elle donne les chances à tout le monde. La police aussi est républicaine. Ce qui explique que oui, il y a des bons et des mauvais policiers. Et nous, ce qu'on dit derrière, c'est non, en fait, il y a un système, en fait, ce que tu viens de dire, un racisme systémique, c'est-à-dire un État qui, à un moment donné, au nom aussi de la République, a colonisé la moitié de cette planète, qui, à un moment donné, a tiré, en fait, la France et puis enfin, beaucoup de pays occidentaux s'est construit en fait et ses richesses se sont construites sur la colonisation pour refermer la boucle sur cette question coloniale et que quand dans nos propos en fait quand on catégorise les gens de manière en disant les blancs, les noirs, les arabes, etc. on dit ça parce qu'en fait un blanc à l'heure actuelle s'il a le confort qu'il a en France, les blancs en France, ils ont le confort qu'ils ont, matériel, intellectuel, tout ce que vous voulez, c'est parce que à un moment donné, ils peuvent aller tirer toute leur richesse en Afrique qui continue. Alors les pays africains ne sont pas colonisés, hein, ils sont sortis indépendants, mais enfin on sait très bien que l'Afrique, elle est encore sous le joug, une bonne partie en tout cas de la France et d'autres pays occidentaux. Et c'est pour ça que nous, cette couleur de blanc ou cette question post-coloniale, on la situe comme ça et c'est important de préciser ces choses-là. Et il faut bien préciser que quand on parle de blanc, c'est une construction sociale, c'est pas la couleur de la peau en soi, parce qu'à ce moment-là, on peut considérer que quelqu'un issu de l'immigration a la peau blanche, etc. Non, le blanc, c'est une construction sociale, c'est quelqu'un qui ne fait pas partie des immigrés, des descendants d'immigrés, etc., et qui jouit des bénéfices de la France dans ce sens-là. Et vraiment, tu disais, Malika, tu disais qu'on nous remet la République en face à chaque fois, c'est la République, et on nous remet aussi beaucoup la laïcité. Mmh. Et en fait, cette laïcité, elle a toujours été, mais de plus en plus les dernières années, dévoyée, pour être un instrument de discrimination supplémentaire, en fait. Et du coup, la laïcité, normalement, c'est ce qui garantit qu'on puisse vivre ensemble sans que l'État ne soit engagé dans un culte. Et finalement, normalement, les gens, ils ont le droit d'avoir un culte, de pratiquer leur religion, etc. C'est du domaine du privé, et voilà, chacun fait comme il veut. Et finalement, là, on s'immisce quand même dans la vie des gens en considérant ce qui est bon pour eux ou pas. Et ça, pour moi, on revient, c'est aussi du postcolonialisme, en fait. Considérer qu'on peut dicter aux gens ce qui est bon pour eux ou pas, ça rentre aussi dans le postcolonialisme et dans le paternalisme. Oui, c'était l'exemple que tu voulais donner tout à l'heure quand tu disais il y avait des cérémonies pour les personnes qui ne seraient pas informées donc de dévoilement qui avait lieu donc pendant l'occupation donc des Français en Algérie, dans lequel donc il y avait des scènes dans lequel on montre comme ça des femmes musulmanes avec et sans foulard en disant regardez comme elles sont sur une scène hein, c'est-à-dire sur la place publique regardez donc c'est en l'occurrence la femme du général Salon enfin, en tout cas, pour ceux qui s'intéressent à la colonisation algérienne le connaissent, qui du coup disait, ben, regardez, sans le foulard, comme elles sont belles, ces femmes, leurs cheveux, leur chevelure, leur peau, leur si, alors qu'un foulard, elles sont laides. Et donc, du coup, ben, c'est dans ce sens-là où on dit, ouais, il y a une continuité, puisqu'à l'heure actuelle, beaucoup de personnes se demandent si une personne qui porte le foulard pourrait éventuellement réfléchir. Enfin, on a dit quoi l'autre jour, la question qui nous a été posée on a organisé une séance à partir du film Soumaya. Il y a une des personnes, mais bon, c'est la question récurrente, est-ce qu'on peut être féministe et avoir un foulard? Tan-tan-tan. Évidemment que oui. Évidemment que oui. Après, voilà, c'est ce dont je parlais quand je parlais du dévoiement du féminisme. Nous, on cumule un peu les problèmes parce qu'on est des femmes. Et qu'en plus, on est déracisés. Et du coup, ça fait beaucoup d'handicap dans une société patriarcale et raciste. Du coup, c'est des questions qui nous intéressent aussi. Et moi, je considère que je suis une féministe musulmane. Alors, je ne porte pas le voile, mais voilà, je pourrais avoir fait ce choix-là. Il y a une asso qui s'appelle La Lab, par exemple, de filles qui sont africaines, d'origine africaine, des filles noires, musulmanes, etc. Et qui sont et dont je respecte énormément le féminisme, en fait. Et il y a eu aussi tout ce travail pendant des années avec les féministes blanches qui nous enfonçaient la tête au lieu de prendre en compte nos luttes aussi. Et aujourd'hui encore, il y a plein de féministes qui veulent militer sans nous, qui veulent faire du féminisme mais sans nous. Là où on revient sur le fameux racisme social. Il n'est pas biologique, mais quand les femmes blanches considèrent en fait qu'une femme voilée ne l'est pas par je ne sais quelle gymnastique, intellectuelle, là, elle arrive à nous démontrer qu'une femme, parce qu'elle porte un foulard, elle serait moins féministe qu'elle, en fait. Bon, après, on sait qu'il y a une histoire après derrière, mais c'est dans ce sens-là où pourtant elle se pense de gauche, elle se pense très épanouie, elle se pense très émancipée, c'était le mot, d'un point de vue social, elle défend la justice sociale, elle défend tout bien, elle a des belles idées et tout, mais elle se bute en fait à cette femme voilée. Ça veut juste dire en fait que t'as un racisme intégré en fait, qui est d'une profondeur, bon, tellement profond que t'as même du mal à l'identifier, t'as même quand on verbalise les choses, tu dis ah mais non, mais oui, mais non, mais oui, mais voilà, c'est en ce sens-là que c'est une des formes de racisme, le racisme de gauche d'ailleurs, qui est pour nous, enfants d'immigrés, on a un problème le plus violent, fortement. Nous, on cherche des alliances avec les familles de gauche. Voilà, on cherche des alliances avec des familles, avec des politiques, je veux dire, qui nous aideraient à sortir effectivement de la misère sociale, qui nous aideraient à mieux réussir scolairement, professionnellement, trouver un délogement et je sais pas quoi. Donc on compte sur la gauche à chaque fois. Bon, on le sait depuis les années 80, maintenant que c'est mort en fait, parce que y a un racisme de gauche qui est ancré, qui est d'une profondeur et qui est en plus le plus compliqué à identifier encore une fois. Et que moi je trouve c'est vachement comment tu l'as nommé aussi Monira, c'est effectivement comme si c'était l'islamophobie, c'était le visage respectable du racisme, alors que ça reste effectivement un racisme super fort qu'a cette histoire-là et tout ça quoi. Ouais, tout à fait. Et du coup à chaque fois qu'il y a un débat et que c'est possible dans les médias ou dans le milieu politique, on dit oui, mais on a le droit de critiquer la religion. Et en fait, ça donne accès à plein de trucs, à plein de discriminations envers les gens. Oui, à plein y compris d'ailleurs, puisque tu me le fais rappeler, là, dans les milieux libertaires, hein, je vais en profiter, hein, je vais faire mon petit quart d'heure, je règle mes comptes avec celui avec lequel idéologiquement je me sens le plus proche, effectivement, on va dire les anarchistes, mais avec lequel on se prend la même claque, en fait, qu'avec la gauche, qu'on n'arrive pas à réaliser, en fait, qu'on a les mêmes résistances, c'est-à-dire derrière cette idée de... anti-religieuse, anti-État, on retrouve les mêmes relents islamophobes chez les anars et de manière et même encore plus, je dirais, s'il faut hiérarchiser, encore plus grave presque la gauche, parce que les anars c'est des gros intellos, donc du coup tout est très bien écrit, très bien pensé, très bien je sais pas quoi, sauf que le résultat il est le même en fait, c'est du racisme. Et là il va falloir vraiment faire un travail aussi là-dessus, et je m'adresse à mes collègues stéphanois qui se reconnaîtront, stéphanois Ah, la gueule noire. Là, j'aimerais bien... Bon, ça, c'est dit. C'est mort, parce qu'il faut le redire. Alors. On a dit au début aussi, où on a posé cette question, on a dit un peu comme... Et comment ça construit ton engagement politique de voir, on a dit déjà avant, vous avez expliqué aussi, de voir truc de capter, c'est pas un truc privé, c'est politique. Et en fait... C'est quoi alors où ? Déjà, en fait, peut-être un peu de nous raconter, vous êtes dans quelle lutte et oui, en fait, ça construit votre engagement politique. Si vous avez envie de nous raconter. Ah oui, peut-être avant, on passe une petite musique. Après un peu de musique, voilà. Ouais, on fait ça, super. Une petite deuxième musique. Et un peu de chita. Oui, et c'est Malika qui va nous présenter ce morceau. Ah, c'est le morceau de Cheikh Haremiti. Donc, Cheikh Haremiti, donc qui porte son nom Rimiti, R-I-M-I-T. Est-ce qu'il y a le T ? Je ne me rappelle plus. T-T-I ou T-I ? Non, Rimiti. Qui est donc une chanteuse algérienne et qui, en fait, s'appelle Rimiti parce qu'elle aimait bien boire et quand elle était au comptoir des bars, elle disait Rimiti, Rimiti, moi, vers Rimiti, Rimiti. Et du coup, c'est devenu Cheikh Haremiti. Excellente. Shavuot Shalom. وغزالي في الجبل الله قطع النوار انا وغزالي يا مالي النوار انا وغزالي في الجبل الله قطع النوار Alors bonsoir. En fait, on était juste sur la question de comment ça construit ton engagement politique. Comment ça construit mon engagement politique ? Alors, en fait, du coup, quand on a vécu le racisme, je crois qu'on est très touché par cette question-là, déjà. Et Malika, tu peux confirmer, ouais. Oui, oui. Après, on se sent touché par le racisme après en général, on le voit, on le remarque et que ce soit contre. Bah, disons que t'as une conscience de classe, ouais, une conscience raciale assez, assez tôt en fait. Ouais. T'as pas le choix en fait. C'est pour ça quand on dit d'ailleurs que les quartiers sont dépolitisés, c'est la plus grosse connerie qu'on ait jamais entendue. Parce que non, les quartiers ils sont hyper politisés, si tu vas très tôt, ils ont compris que bon, bah, c'était pas tout à fait pareil pour eux. Donc, ouais, bien sûr. Et après, c'est ce qui fait qu'aussi, quand tu vois du racisme envers quelqu'un d'autre, même, voilà, quand tu vois du racisme envers un noir, machin, c'est pas exactement le même racisme que celui que tu vis. La négrophobie, c'est pas tout à fait la même chose que le racisme anti-arabe ou que l'islamophobie. Mais n'empêche que c'est le même vécu, c'est la même expérience. Donc, tu te sens toujours solidaire, je pense, de tous les racismes qui sont vécus voilà, en France, mais aussi dans le monde entier. Et du coup, il y a une islamophobie qui est maintenant mondialisée. Y a, vous connaissez l'œuvre de Huntington sur le choc des civilisations et tout, qui justifie que voilà, il y a des civilisations qui s'affrontent. Et voilà, il y a quand même plein de mouvements qui veulent aller dans ce sens. Et qui considère que l'islam n'est pas compatible avec le reste, avec la République. Et puis c'est la logique du, enfin le choc des civilisations quoi. Enfin, c'est exactement la logique du choc des civilisations. Ce qui fait que finalement cette islamophobie mondialisée, elle permet de faire accepter que par exemple tous les 3-4 ans on bombarde les Palestiniens, on bombarde Gaza, Israël qui est le dernier grand pays colonial. Colonise la Palestine. Il y a des bombardements réguliers sur la population palestinienne. Alors il y a de l'émotion toujours sur le coup, mais finalement on oublie régulièrement les Palestiniens. Et je pense qu'il y a cette islamophobie aussi, parce que finalement les Palestiniens c'est que des Arabes, c'est que des musulmans, alors que c'est pas vrai, hein, parce que dans les faits les Palestiniens, ils sont musulmans, ils sont chrétiens, ils sont athées. Et il y a même des Palestiniens juifs de moins en moins, puisque Israël essaye de s'approprier la judaïté, même dans le monde entier. Mais en tout cas, il y a l'utilisation de cette islamophobie pour faire oublier les crimes ailleurs dans le monde. Ouais, puis justifier en fait tout ce qui est en train de se passer aussi chez les Rohingyas, ce qui est en train de se passer en Chine quand même, où t'as quand même toutes les communautés musulmanes qui sont dans les camps d'internement. À l'échelle mondiale, à l'heure actuelle, la population musulmane est sévèrement réprimée et massacrée, et voire génocidée, hein, je crois qu'on peut pas dire autrement. Quoi. Et du coup, moi, mon grand engagement principal depuis quelques années, c'est la Palestine. Du coup, on a créé un groupe du mouvement BDS, Boycott des investissements sanctions. Ce qui m'a plu dans cette campagne, c'est que c'est une campagne palestinienne. C'est toujours pareil, sortir du paternalisme, ne pas décider des autres, pour les autres, ce qui est bien pour eux. Mais c'est eux qui définissent la forme de la lutte et nous, on les soutient. Et quand on veut soutenir un peuple qui souffre, il faut le soutenir à sa façon. Donc les Palestiniens, ils ont choisi la campagne BDS en 2005, donc c'est boycott, désinvestissement, sanctions. Et du coup, voilà, nous, on a choisi de monter un groupe qui rejoigne la campagne internationale. Et du coup, voilà, depuis quelques années, on fait des actions autour de ça à Saint-Étienne. Et bah, ça marche plutôt bien. Saint-Étienne, c'est plutôt un monde sympa pour militer. Donc on arrive à être en connexion avec plein d'autres groupes militants. On a plutôt un meilleur cadre d'action que dans plein d'autres villes de France. Donc ça, on est bien contents. Et... Non, ouais, c'est surtout qu'on est une animatrice exceptionnelle. Genre BDS à Saint-Étienne, s'il cartonne, c'est parce que tu y es et tu le sais. Enfin, tu le sais. Non, tu le sais pas, alors je te le dis. Merci. C'est l'échelle nationale. T'es adorable. Voilà, et du coup, bah, plus récemment, on a créé le collectif contre l'islamophobie et pour l'égalité. Alors moi je suis pas toujours super à l'aise avec ça parce que en vérité moi je pense qu'il faut militer contre toutes les formes de racisme et je suis pas pour militer contre un racisme et pas les autres en fait. Mais là, pour l'islamophobie, en fait, ça a tellement pris de place dans la société française au niveau médiatique, politique. C'est vraiment répandu à un point où c'est banalisé, où tout le monde a son mot à dire, que je crois que là, il faut quand même faire prendre conscience de l'islamophobie. C'est un racisme, en fait. C'est une forme de racisme. Et du coup, ce que je dis à chaque fois, c'est que je serais contente après. Là, il y a le collectif contre l'islamophobie, on essaye de faire des choses, mais je serais contente après de verser l'islamophobie aux autres luttes antiracistes. Parce qu'en fait, on est beaucoup repris aussi sur cette question-là en disant, mais pourquoi est-ce que vous avez un collectif spécifique sur l'islamophobie ? La question était la même sur les questions d'antisémitisme. C'est-à-dire qu'effectivement, l'antisémitisme, c'est une forme de racisme. Donc, on peut très bien partir du principe qu'à partir du moment où on lutte contre le racisme, on lutte contre l'antisémitisme, la négrophobie, la sinophobie, la romophobie, l'islamophobie, etc., etc. Et même les autres types d'oppression. Sauf qu'en fait, c'est encore aussi une manière de nous faire occulter notre histoire. Donc, je pense que c'est extrêmement important de garder ce mot. Et ce n'est pas des idées que j'avais il y a encore, on va dire, une dizaine d'années. On m'aurait dit islamophobie. Je disais, tiens, non, il y a un truc qui me... C'est du racisme, pourquoi ? Sauf qu'en réfléchissant les choses et surtout en se renseignant et en se documentant, vous rendez compte que l'islamophobie, elle a aussi un ancrage historique en France. Et là, du coup, on a invité Olivier Grandcourt. Attends, j'arrive jamais à dire son nom Olivier parce qu'avec toutes ses particules. La Cour Grand Maison. Désolé, bref, qui a travaillé cette question-là et que j'ai trouvé, son bouquin, j'ai pas lu, mais en tout cas, l'intervention était particulièrement intéressante parce qu'il nous explique vraiment comment, en fait, l'islamophobie s'ancre depuis, mais quasi, presque le Moyen-Âge, à vrai dire, quand il remet, en fait, la façon dont les guerres des croisés, à l'époque de effectivement, des luttes pour la Palestine aussi, entre les chrétiens et les musulmans, en fait, l'imaginaire autour de l'islam, l'exotisation de la femme, d'ailleurs, musulmane, toutes ces questions-là, le harem, l'érotisation des femmes, tout ça... c'est très très ancien en fait tout ça et qu'on est encore aussi là-dessus. Donc il y a bien une forme de racisme très spécifique sur les femmes ou sur les hommes musulmans en fait. Ouais, tout à fait, je te rejoins en fait. Parler d'islamophobie là maintenant, c'est visibiliser aussi cette question qui est invisibilisée régulièrement sous la critique de la religion, la critique légitime des religions, etc. Et nous, on n'est pas du tout contre la critique des religions, etc. On est contre la stigmatisation, on est contre le racisme. On est contre, en fait, le rabaissement d'une catégorie sociale, en fait. On est contre le fait qu'on traite une catégorie sociale, les musulmans, de manière différente et infériorisée que les autres. Il n'y a rien qui peut justifier ça. Et je ne comprends pas qu'il y ait encore des gens qui aient discuté ça, en fait. C'est ce qui amène, par exemple, des lois d'exception, comme les lois qui ont été votées sur le voile à l'école, dès 2004... Voilà, c'est un peu les lois d'exception qui concernent qu'une partie de la population. Ça, c'est quand même inadmissible. Tout à fait. Et bah, je sais qu'il y a, des dates un peu là, de mobilisation, de lutte qui arrivent. Oui, mais il y a Corona, on devait être obligé de le prononcer. Coronavirus qui est passé par là. Donc on avait une grande manif prévue le 21 mars. Pardon. Et qui du coup, bon, bah, du coup, on avait l'espoir d'être plus de... Enfin, quoique, il y a un nombre maintenant. On en est où? Alors il y avait 1000, maintenant il y a 100 et maintenant il y a 10. Donc, bon, bah, 10. On avait quand même l'espoir d'être plus de 10 quand même à cette manif. Donc... Donc officiellement la manif est annulée, mais effectivement il y avait un appel à manifestation le 21 mars qui a été annulé puisque maintenant on va être confinés chez nous. On aura le temps de lire plein de bouquins. Ouais, hein. Voilà, on va vous donner plein de références. Et bah ouais, tiens, justement. Edouard Saïd, l'orientalisme. Et là, vous avez toutes les réponses à vos questions sur l'islamophobie. Vous oubliez même la cour grand maison et tout ça. Lui, une fois que vous avez lu ça, vous avez tout lu en fait. Alors, sur la question du racisme. Malika, elle vise toujours haut parce qu'elle est très très intelligente. Mais je pense que avant l'orientalisme de Edouard Saïd, qui ça est quand même un livre. Non, mais c'est un livre quand même assez complexe. Je veux dire, si tu connais rien, t'arrives tout de suite, tu prends l'orientalisme, tu vas dire laisse tomber quoi. Et en fait, je me dis Pierre Thévenian, la mécanique raciste. Ouais, ouais. Attends, c'est pas mal, c'est simple. Pierre Thévenian, la mécanique raciste. Bah, c'est plus abordable comme ça tout de suite. Non, je vous promets, voilà, Saïd, vous voyez, on n'est pas non plus. On n'est jamais d'accord. On peut garder les deux références. On a le droit. Mais Edouard Saïd, je suis d'accord aussi. Hein. C'est juste que c'est moins accessible tout de suite. Bah ouais, mais t'arrives à comprendre comment Karl Marx est quand même un fucking raciste. Enfin, il y en a plein de références comme ça. Paf, tu prends ta grande claque quand même. Il y a un truc intéressant aussi où Ria Boutelja, qu'on a reçu il y a quelques années, les Blancs, les Juifs et nous, vers une politique de l'amour révolutionnaire. On peut être d'accord avec tout, pas être d'accord avec tout, aimer, pas aimer, mais en tout cas, elle soulève plein de questions intéressantes. Ah, moi, je suis fan. Ria, je suis fan de toi. Je me dis, on pourrait écouter encore un petit morceau de musique avant de faire une petite conclusion. Ouais. Et voilà, comme ça, on peut en discret discuter de c'est quoi le meilleur livre. Et je crois qu'on va écouter Emel Matlouti, Nassim Palestina. Tout à fait. Je vais vous faire une chanson tirée d'un film qui s'appelle Vengo. Moi, j'ai rajouté un texte en arabe. Ça s'appelle Nassim Palestina. Yo me noté. Voilà, rebonsoir. On a presque arrivé à la fin de l'émission Comme un ouragan, aujourd'hui avec les invités Malika et Moulina. Invité exceptionnel, ouais. S'il vous plaît. Voilà, et pour finir, laisser encore un peu la parole, c'était pour avoir une tout petite conclusion, on va dire, de les choses qu'on vous avait racontées. Malika, tu as envie de commencer Mounira, tu veux? Non, vas-y, non. Je t'en prie. Vas-y, vas-y. Du coup, on... conclure sur cette question-là, ouais, je sais pas. C'est vraiment, c'est une idée à retenir, c'est que ouais, pour ceux qui ils seraient un peu, qui, ou celles qui seraient un petit peu frileuses à savoir si la question de l'islamophobie, il faudrait la sortir des questions de racisme. Nous, on redit que on pense que réellement la figure du musulman et de la musulmane fait peur. Alors on va trouver le prétexte du foulard, mais sur les mecs on va aussi représenter l'homme musulman comme un espèce de sauvage, barbare, prêt, voilà, pour macho, conquérant, macho, viril. Si la police elle viole systématiquement les gamins, les noirs et les arabes qu'elle croise, avec tout ce qu'elle veut mettre dans enfin bref, tous les viols, c'est, on peut appeler ça comme ça, c'est pas pour rien. Et que du coup, oui, il y a une représentation, on pense, de l'homme musulman et de la femme musulmane bourrée de préjugés, bourrée de... Et que du coup, il y a une forme de racisme bien spécifique ici qu'on entend faire connaître, en tout cas, et lutter, voilà. Ouais, et un racisme qui ne dit pas son nom, puisque... sous couvert de critiquer la religion, ça permet d'essentialiser des gens, de les mettre dans une catégorie et de renforcer les préjugés. Et tout ça sous la bienveillance de l'État-nation. Et de la police républicaine. Voilà. On n'aime pas les flics, on peut le dire, oui. Voilà, on pourrait faire une autre émission sur cette... sur la police républicaine. Non, mais en fait, il y aurait tellement plus à dire sur les discriminations, le postcolonialisme, l'islamophobie. On pourrait faire c'est un petit clin d'œil, ouais. J'aime pas les flics. C'est donc un tube internationalement connu, stéphanois, d'un groupe dont Mathéo va faire la suite là derrière d'une émission, d'un groupe qui s'appelle Les Rouilleurs. Et donc je fais ma petite dédicace, j'aime pas les flics, je me rappelle pas de l'air Mathéo, sinon je l'aurais bien chanté pour toi. Bah, en tout cas, merci beaucoup, parce que c'était long quand même, vous avez, et qu'en même temps, c'était hyper clair, vous avez amené plein de trucs, et du coup, vraiment... Merci à vous pour l'invitation. Et oui, du coup, pour continuer sur effectivement que... C'est vrai que vous n'avez pas demandé grand-chose, les meufs. À part, ouais. Écoute, on a ouvert les... voilà. Hein, les micros, vous avez acheté les micros, et voilà, c'est pas mal. Mais Valais, on va aller acheter tes bières, ne t'inquiète pas, on va dévalisser tous les magasins qu'on va trouver de bières, de voilà. Vin, du l'immeuble coup, sera fourni. Malika n'est plus canalisable, je répète. On peut étendre le micro non. de Malika, s'il te plaît. Non, mais peut-être alors après dire, avoir coupé le micro de Malika, on pourra présenter l'espace ouais, décolonial, voilà, pas c'est, mal. Ça c'est ça, féministe décolonial, ouais, ce serait bien. Justement, pour continuer sur l'idée qu'effectivement, il y a encore plein de trucs à dire, à réfléchir et à causer ensemble et aussi à proposer des espaces féministes décoloniaux, c'est-à-dire des espaces féministes qui portent pas des discours et des pratiques racistes et qu'on fasse ensemble tout un tas de trucs et qu'on avance dans la lutte féministe décoloniale. Il y a l'envie de, et ça va se faire en fait, tout simplement, un espace qui sera pendant 2 semaines, pendant le festival Cause Toujours, là, qui est organisé par notamment par Radio Dio, entre autres autour des radios libres. Et du coup, il y aura un espace féministe décolonial où il y aura, on espère, des expos avec aussi peut-être des images d'archives justement de Leila Ben Sharif là qu'on a écouté en première partie dans le montage et puis de quoi brasser ensemble et puis se questionner et puis lutter et se rencontrer quoi. Super, on sera là. Oui, on sera là. Vous le tenez bien. Du coup. On n'a pas le choix en fait. Alors on écoute un petit dernier morceau et on vous souhaite une bonne soirée. Merci. Oui. Merci. Bisous. Et puis bah ouais, encore merci. Enfin non, pas de bisous, pardon. Et ouais, puis bonne soirée et check, la check, prochaine check. Normalement. on verra. Mais bon, la prochaine, c'est Inch'Allah. Pour rappeler, comme un ouragan, émission 3e dimanche de chaque mois en direct à 19h sur Radio Dio. Et vous allez nous chanter comme un ouragan. Non, on ne va pas faire ça. Pas du tout, on va écouter Sana Moussa. Merci. Merci, Monira. مع السلامة.